Mais malheureusement, ils n'acceptent pas le conseil. Troisième qism, ou bien quatrième qism, c'est les gens qui ils acceptent les conseils, mais ils ne donnent pas les conseils. هذه فائدة جيدة لابد أن تحفظوها من يعيدها on va la répéter parce que إخوان souvent quand on fait جلسات العلم on entend des فوائد et si on les écrit pas si on les apprend pas ça part c'est comme la chasse si tu n'attrapes pas ta bête elle va partir et tu vas en voir passer هكذا العلم العلم il faut que tu le mémorises c'est العلم si tu n'arrives pas à le mémoriser tu l'écris donc on va la répéter هذه الفائدة ذكرها الإمام النووي في فيما يتعلق بالنصح. النصح les gens ils divisent en quatre. Premier قسم c'est les gens qui font la nasiha et qui acceptent la nasiha. Deuxième قسم c'est les gens qui n'acceptent pas la nasiha et qui donnent pas la nasiha. C'est le contraire du premier. Troisième قسم c'est les gens qui acceptent la nasiha mais ils donnent pas la nasiha. Quatrième قسم c'est les gens qui n'acceptent pas la nasiha mais donnent la nasiha. واضح؟ طيب. فالنصح مهم جدا يا إخوان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية هذا الحديث كثير من الناس لم يفهمه ce hadith beaucoup de gens ne comprennent pas بلغوا عني ولو آية قال صلى الله عليه وسلم transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset ça veut dire que le minimum que tu apprends يا أخي partage-le avec tes proches avec tes frères avec tes voisins avec les gens dans la rue وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم les sahaba ils apprenaient un hadith après ils allaient voir leurs frères, leurs voisins, leurs amis, et ils enseignent le hadith. C'est pour ça que des fois tu vois un hadith, hadathana, des fois c'est une femme qui rapporte de son mari du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que son mari rentrait chez lui, il apprenait à sa femme. Wa hakadha, ba'd al-ulama, ils faisaient da'wa à leur femme, jusqu'à que leur femme c'est devenu une alima. Wa minhum, le grand alim que vous connaissez peut-être tous, Sheikh Muqbil. Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadiri, il a sa fille, c'est une sheikha, alima. Il a une autre fille aussi, ses femmes, il a deux femmes, les deux femmes c'est des alim. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient da'wah chez lui. Wal insan, avant de regarder derrière ta tête, regarde devant toi, Yari. Yani, al-awla bid-da'wahum al-aqarib. Les premiers gens, les gens avec qui tu dois commencer, fait da'wah, c'est tes enfants, ta famille, tes proches. Et après, tu fais al-muhim qabla al-ahal. Tu fais passer le plus important avant les choses importantes. Les sahaba radiallahu anhum, ils apprenaient un verset, un hadith, ils l'enseignaient. Et c'est ça le mourad du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Transmettez-moi ne serait-ce qu'un verset. Ça veut dire que toi, tu apprends le minimum que tu apprends, enseigne-le aux gens. D'abord, pratique-le et après, enseigne-le. Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'ils apprennent un peu et ils vont faire da'wah. Hada khata. لماذا خطأ؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم certains صحابة sont sortis pour faire دعوة comme Mu'adh, comme Ali وغيرهما لكن le prophète صلى الله عليه وسلم il n'envoyait pas n'importe qui pour faire دعوة il envoyait des صحابة qui étaient parmi les ulama من الصحابة il n'a jamais envoyé l'arabi jamais par exemple quelqu'un un bédouin il venait lui poser une question jamais le prophète lui disait va faire دعوة ou bien va à tel pays faire دعوة لا ولكن il disait ارجع إلى قومك فعلمهم ما علمتك comme le hadith d'Abu Dhar al-Ghifari qui est dans le Sahih al-Bukhari Abu Dhar al-Ghifari est venu عند الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال له ارجع إلى قومك فادعوهم إلى الإسلام أو إلى هذه الكلمة donc Abu Dhar al-Ghifari est venu voir le Prophète صلى الله عليه وسلم et le Prophète صلى الله عليه وسلم lui a enseigné لا إله إلا الله محمد رسول الله et puis après Abu Dhar al-Ghifari est parti voir son peuple et il a enseigné cette parole donc le minimum que tu apprends يا أخي apprends-le chez toi sans rajouter sans wala tanqas wala tzid na'am ya ikhwan akhraj al-imam muslim fi sahihi min hadith sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu bi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده هذا الحديث حديث عظيم le prophète صلى الله عليه وسلم dit لا يقعد قوم يذكرون الله prophète, il nous dit, il n'y a pas un groupe de personnes qui s'assoit et qui se rappelle d'Allah. Yadkurun Allah. On a le terme dhikrullah. Wa dhikrullah, كثير من الناس لا يفهمون ما معنى ذكر الله. Certaines personnes pensent que ذكر الله c'est التسبيح والتحميد والاستغفار. يحسبون هذا هو الذكر. Et ça c'est ça fait partie du ذكر, mais c'est pas que ça. ذكر الله c'est أعم من هذا. C'est plus vaste, plus général que التسبيح والتحميد والاستغفار. يقول أهل العلم ذكر الله هو كل ما يذكرك بالله فهو ذكر. Tout ce qui te rappelle d'Allah, c'est du dhikr. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du Coran, qu'est-ce qu'il dit ? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Allah, il a parlé du Coran en disant que c'est du dhikr. Pourquoi ? Parce que le Coran, il te rappelle d'Allah. Yudhakkiruka billah. Ça s'appelle dhikr. Al-ilm. Al-ilm, c'est du dhikr. Kan al-salaf yusammoun halaqat al-ilm, halaqat al-dhikr. Et encore plus clair que ça, قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ هم أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأنهم يذكرونك بالله وبرسوله. قال الله، قال الرسول. هذا لهذا سماهم الله أهل الذكر. لا يتكلمون بآرائهم، فلا يقولون أرى كذا، ولكن يقولون الدليل كذا، قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لهذا سماهم الله أهل الذكر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, je disais que le dhikr c'est plus vaste que de dire astaghfirullah, de dire alhamdulillah, Allah. Beaucoup de gens ils pensent que le dhikr c'est que ça. Et hada khata. C'est plus vaste que ça le dhikr. Allah il a parlé des gens de la science, il les a appelés Ahl al-dhikr. Pourquoi ? Parce qu'ils te rappellent d'Allah, ils te rappellent de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent qala Allah, Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc sammahum Allah al-dhikr. Et Allah il a appelé la prière al-salat al-dhikr. Qala Allah jalla wa ala, idha nudiya lis-salat min yawm al-jum'ati fas'aw ila dhikrillah. Al-salat ça s'appelle dhikr. Khutbat al-jum'ah ça s'appelle dhikr. Sammaha Allah dhikr. Pourquoi ? Parce que le khatib yudhakkiruka billah. Donc ça s'appelle al-dhikr. Donc si tu retiens, ayyuha al-muslim, wafaqak Allah, wa hafidak Allah, wa allamak Allah, que al-dhikr, c'est kullu ma yudhakkiruka billah. Le dhikr, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout ce qui te rappelle d'Allah, ça s'appelle dhikr. Et al-tasbih, c'est du dhikr. Mais c'est pas que ça. C'est plus vaste que ça, al-dhikr. Na'am. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. Donc quand tu t'assois في حلقات الذكر sache que tu vas gagner quelque chose. الأمر الأول أن الملائكة تحفوك بأجنحتها. La première chose que tu retiens et que tu gagnes quand tu t'assois ici في حلقات الذكر, تتعلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. La première chose que tu gagnes c'est que الملائكة تضع أجنحتها لك يا طالب العلم. فأنت تطلب العلم تسمى طالب علم. T'apprends la science. Tu viens pas ici pour gagner de l'argent ou là pour de la dunya. Tu viens juste pour écouter قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله te récompense. وأن الملائكة تضع أجنحتها لك يا طالب العلم تعظيما لأنك عظمت مَا عَظَّمَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى. C'est une récompense qu'Allah il donne parce que toi ta'azzam قال الله قال الرسول. Ta'azzam la parole d'Allah. Ta'azzam la parole du prophète sallam. T'as pris ton temps, ta journée pour venir écouter قال الله قال الرسول. Donc c'est la récompense qu'Allah il donne. La première c'est que الملائكة تضع أجنحتها. Admet ses ailes au-dessus de toi, à ton cercle. هذه الفائدة الأولى. والله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وكلها لها وظائف. Chaque ange il a des responsabilités. فمثلا t'as des anges qui sont responsables de الوحي comme Jibril. Il est responsable de الوحي. T'as des anges qui sont responsables de السؤال في القبر منكر ونكير. يسألان صاحب القبر من ربك من ما دينك من نبيك. وتي دي ملائكة qui sont qui sont dans l'enfer, ils gardent l'enfer.

Ça veut dire quoi ça? Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit que l'insan, s'il est intelligent, avec juste un niya, l'intention, il peut être 24 heures sur 24 fait ibadah. Comment ça? Avec un niya. Tu te lèves le matin. Tu vas au travail, par exemple. Ta niya, c'est quoi? C'est d'aller pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un rizq halal. Tu rentres chez toi, tu manges. Ta niya de manger, tu manges pour qu'Allah donne de la force pour qu'après tu peux l'adorer. Tu parles à la mosquée, ou hakala. Tu dors, tu dis je dors pour que Allah me donne de la force. C'est pour ça que c'est venu dans le hadith. Inna ahadakum yadhhab ila ahli fa yu'jar. C'est venu dans le hadith, le prophète me dit celui qui couche avec sa femme, il a l'ajr. Parce que s'il l'aurait fait le haram, il aurait l'if. Donc s'il fait le halal, il a l'ajr. Alors c'est un délit. Donc un taïwan muslim sont intelligents. Ij'al niyatak fi kull shay. Chaque chose que tu fais, mets une niya. Ne serait-ce que de manger, mets la niya. Quand tu dors, mets la niya. T'imagines que tu dors 8 heures par jour. Là, ils dorment 10 heures. T'es fait ibadah. Avec cette niya. Mais donc, il faut voilà, t'as fait. Ça ne veut pas dire que tu dors à un salawat. Ou hakada, tu vas au travail. T'as ta niya. Tu peux faire du travail halal, mais toi là, parce que tu as peur d'Allah, tu le fais fil halal. Tu peux faire du travail haram, mais toi, tu crains Allah. Ou hakada, si tu trouves un travail, il y a des mukhalafat. T'as trop qu'au lillah. كل هذا تكون في عبادة نعم دونك الله يدي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا دونك في الدنيا il va avoir une vie ضنكا ونحشره يوم ça s'arrête pas là ça c'est في الدنيا et c'est pour ça que عذاب الله c'est في الدنيا وفي الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يوم القيامة cette personne va être aveugle pourquoi parce que sur terre elle était aveugle elle ne voyait pas le haq, donc elle était aveugle. Elle était aveugle. عن الحق فأصبحت يوم القيامة يصبح أعمى. Il va dire, ya Allah, وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Il va dire, ya Allah, pourquoi je suis aveugle alors que في الدنيا je voyais. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا. C'est pour ça que certains disent l'aya, c'est le Coran. فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Donc on t'a donné nos versets. فنسيتها والنسيان في اللغة العربية بمعنى الترك. Dans la langue arabe, النسيان ça veut dire d'oublier et ça veut dire aussi le fait de délaisser. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran كما قال موسى وما كان ربك نسيا فلا يجوز أن تقول الله ينسى حاشا سبحانه وتعالى وعظم قدرته. Donc Allah lui dit كذلك اليوم تنسى. Vu que toi, sur terre, tu as délaissé mes ayat, mes versets, al-haq, donc, fil l'akhira, kadhalika al-yawma tunsa, on va te délaisser. Wal-jaza'u min jins al-amal. Kama tabinu te dan. Comme fil dunya, tu n'écoutais pas, fa yawm al-qiyama, tu addab. Fa kadhalika al-yawma tunsa. Wa adhan bi hadha al-qadr kifaya. Wa atruk al-majal d'akhina ayyou. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم je vous remercie اخوان وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم